Quelle? La vie est brusque, y'a les embûches, les mecs qui gruchent, qui te bousculent, ils entendent tout ça, tu cherches la ruse. La ruse. Comment on peut se bouffer, s'étouffer? On m'a toujours appris à s'humaniser. Et si c'est comme ça que vous voulez avancer, dis qu'il a bien fait de se prononcer. Maintenant c'est chacun sa merde. Et si t'as de la monnaie, je te procure de l'aide. Voilà aujourd'hui comment on procède. Je vois qu'après tant d'années, on est toujours en train de se bastonner. C'est titillé pour des bâtonnets. Les petits copies sont les aînés, à croire qu'on les a contaminés. Comment leur expliquer que schéma qu'ils sont en train de traverser, y'a rien à exploiter, vu qu'ils ont fait que de nous combattre. Ça commence par les insultes, et crois-moi que c'est pas des huttes, c'est des fils de pute. On va nos cultes et ça persécute, on tourne à l'envers sur nos luttes. Faudra arrêter, voyez pas le monde se parer. Tout le monde devient taré, on est tous en train de se comparer. Pendant que nos mômes grandissent dans cette marée, je suis navré, mais quoi, je vois souvent en train de chavirer, déchirer. Dans ces vérités, tout ce que je disais avant c'était banal. Pourquoi c'est parti en freestyle, maintenant c'est concubinage. Fini le mariage, on veut plus d'héritage. Fini la prostitution à côté de ces parcomètes. Maintenant c'est internet, j'avoue qu'il manque cas dans ce monde. C'est peut-être à nous-mêmes qu'il faut se foutre des bombes. Maintenant les Kaira se lancent pas, se recas, tout va, je pète une durite. Des gens se rangent, d'autres mangent, certains ça les dérange. Et voilà qu'on se venge, les teamates, les grands. Et les grands se regardent froidement, sans savoir du pourquoi ni du comment. Sache que j'ai un enfant, j'ai 23 ans, et me voilà en haut de la pente. Tu peux plus me hanter, je chantais des 10 morceaux à mes amis. Relevez la tête, pour Diggy. J'ai pas de refrain, pas de fin, trop de choses à dire au mien. Comment je vois le monde lointain, malsain, je ne vois plus rien à mes yeux. De nos jours, tout devient soucieux. Voilà mon avis, nos vies, nos envies et les vôtres. On devient restreint avec les potes, mais s'il y a plein d'anecdotes, nos époques on s'en moque. D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'y a plus rien qui te choque. C'est pour ça que j'écris tout ce mépris, ce que tu réalises, ce que t'es en train de te faire subir. J'ai pas d'écrire non plus ton avenir. Moi, je suis pas voyant, encore moins savant. Je viens juste prendre les devants sur ce monde qui vient flippant. Plus personne devient concertant, pourtant on part sur des dialogues nous concernant. Moi si j'ai à faire ce chant pour public, moi j'aimerais que tout mon cri c'est véridique. Ça fait tant mal de voir ce monde en critique, à se mettre tous des pics, avoir le sourire diabolique. Il n'y a plus de discussion, réussite ça finit en polémique. Après on parle de manque de respect, et tu ne fais même pas pour la paix. Mais arrête de parler, Diggy est là à raconter ses vérités.